Il vient à Ravenne, préparé à tous les événements. Mais le Sénat n'eut aucun égard à ses demandes, et ses ennemis refusèrent de mettre en marché le salut de la République. Alors il passa dans la Gaule citérieure, et après avoir tenu les assemblées provinciales, il s'arrêta à Ravenne, prêt à venger par la force des armes les tribuns qui avaient embrassé sa cause, dans le cas où le Sénat prendrait contre eux quelque parti violent. Tel fut en effet le prétexte de la guerre civile, mais on pense qu'elle eut d'autres causes. Gnaeus Pompée disait souvent que ne pouvant achever les travaux qu'il avait commencés, ni répondre par ses ressources personnelles aux espérances que le peuple avait fondées sur son retour, César avait voulu tout troubler, tout bouleverser. Selon d'autres, il craignait qu'on ne l'obligeât à rendre compte de ce qu'il avait fait contre les lois, les auspices et les oppositions des magistrats, dans son premier consulat. En effet, M. Caton déclara plus d'une fois, avec serment, qu'il le citerait en justice, dès qu'il aurait licencié son armée. Et l'on disait généralement que s'il revenait sans caractère public, il serait forcé, comme Milon, de se défendre devant des juges entourés de soldats armés. Ce qui rend cette dernière opinion probable, c'est ce que rapporte Asinius Pollion, qu'à la bataille de Pharsale, César, jetant les yeux sur ses adversaires vaincus et en déroute, prononça ses propres mots. « Voilà ce qu'ils ont voulu. Après tant de victoires, j'aurais été moi, Gaius César, condamné par eux, si je n'avais réclamé le secours d'une armée. » Certains auteurs pensent qu'il était dominé par l'habitude du commandement, et qu'ayant pesé les forces de ses ennemis et les siennes, il avait cru devoir saisir l'occasion de s'emparer du pouvoir suprême, objet de tous ses vœux depuis sa première jeunesse. Telle paraît avoir été aussi l'opinion de Cicéron, qui nous apprend dans le troisième livre du Traité des Devoirs que César avait sans cesse à la bouche ces vers d'Euripide, dont il nous a donné la traduction. « Pratiquez la vertu, mais s'il vous faut régner, vertu, justice et loi, sachez tout dédaigner. »